Deuxième partie, un transatlantique aérien. Chapitre 1er, une nouvelle sensationnelle. Le 16 janvier 1913, un grand quotidien parisien du soir publiait l'article suivant. On nous télégraphie des Temples qu'hier matin, vers 7 heures, un aéroplane d'un nouveau type dont les essais, extrêmement intéressants, avaient été suivis avec curiosité par tous ceux qui fréquentent l'aérodrome, s'est envolé pour une destination qu'on ignore. À 4 heures du soir, cet aéroplane n'avait pas encore réintégré son hangar, dont le gardien, contrairement à son habitude, était parti presque immédiatement après l'envolée de l'appareil. Les rares curieux qui, vu l'heure matinale, ont assisté au départ de cet aéroplane, l'ont vu se diriger vers l'ouest. De plus, ils ont distingué nettement sous son fuselage des dispositifs ressemblant à des flotteurs. Toutes ces circonstances font qu'on croit ici que les aviateurs dont il s'agit, messieurs Dubois et Régnier, sont partis en vue de tenter une randonnée sans précédent, qui ne peut être que la traversée d'une mer importante. Le même jour, on lisait dans la dépêche de Brest, Quimper, 15 janvier. Ce matin, vers 9h30, un aéroplane monté par 2 passagers atterrit à proximité de notre ville. Cet aéroplane est absolument différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour, tant par ses dimensions extraordinaires que par la construction de ses ailes entièrement métalliques et disposées obliquement dans le sens horizontal en forme de V très ouvert. De plus, entre les roues d'atterrissage sont disposés 2 flotteurs. Les aviateurs ont pris à Quimper plus de 300 litres d'essence. Questionnés, l'un d'entre eux a répondu qu'il s'agissait d'un nouvel hydroaéroplane dont ils allaient faire l'essai au-dessus de l'océan. L'appareil a repris l'air vers midi, se dirigeant droit sur l'ouest. Un détail, entre les 2 ailes, au-dessus du fuselage, il porte un assez grand pavillon tricolore. Les formes et les dimensions extraordinaires de cet aéroplane, l'énorme approvisionnement d'essence dont les passagers sont munis, le dispositif des flotteurs, tout cela fait que le bruit court ici, que les aviateurs en question ont pour but de tenter la traversée aérienne de l'Atlantique. Aucun d'eux n'a donné son nom. Il semblait venir de la direction de Paris. Ces 2 notes frappèrent les esprits par leur simultanéité. 2 grands quotidiens du matin les publièrent, en établissant le rapprochement qui s'imposait en même temps qu'ils envoyaient des correspondants spéciaux à Étampes et à Quimper. Le même jour, d'ailleurs, le bruit se répandait à Brest, puis à Quimper, que la veille, dans l'après-midi, plusieurs grandes barques de pêche et un caboteur avaient vu respectivement, à 200 et 150 km de la côte, un grand aéroplane voler droit sur l'ouest à faible hauteur. Le soir du 16, le paquebot de la Louisiane arrivait au Havre, venant de New Orleans. Or, en mer, la Louisiane avait été avisée par la Lorraine, partie du Havre le 14, et se rendant à New York, que ce dernier transatlantique avait été dépassé le 15 dans l'après-midi par un grand aéroplane français, à marche extrêmement rapide, qui avait disparu dans l'ouest. La rencontre avait lieu approximativement par 14 degrés de longitude ouest et 48 degrés de latitude nord. Puis, les jours qui suivirent, on eut sur les 2 continents la confirmation définitive de l'extraordinaire tentative. Au Havre, à Brest, à Liverpool, à New York, des radiotélégrammes ou des vapeurs signalèrent successivement l'apparition de l'aéroplane français au-dessus de l'Atlantique. Le 16, dans l'après-midi, le transatlantique monstre Lusitania, allant à New York, l'avait vu dans les environs du 45 degrés de latitude et 23 degrés de longitude. Le paquebot français l'avait rencontré le même soir sous la même latitude, mais par 24 degrés 35 minutes de longitude, ainsi que le vapeur Paul Pax de New York qui se rendait à Calais. Le lendemain matin, l'aéroplane français fut aperçu dans les environs du 46 degrés de latitude et entre les 40 degrés et 45 degrés de longitude par les vapeurs Dahlia allant de Newport au Havre et Glynn allant de Liverpool à Newport. Il fut signalé la dernière fois le 17 par le Horsley allant du Havre à Newport vers les 46 degrés de latitude et de longitude. Le Horsley, grand vapeur muni du sans-fil, avait pu télégraphier à Boston dans la soirée du 17 que la neige tombait depuis le matin à cette latitude et qu'il n'avait pu distinguer l'aéroplane que parce que celui-ci volait assez bas sur l'eau. Partout, la nouvelle de cette téméraire randonnée provoqua une émotion extraordinaire. La multiplicité des témoignages ne permettait pas de croire qu'il s'agissait d'un canard ou d'un bluff. Il existait bel et bien des audacieux, des Français reconnaissables à leur pavillon, capables d'avoir conçu le dessein de traverser l'Atlantique en aéroplane et de tenter cette traversée avec chance de succès puisque, partis du continent, on signalait déjà leur passage à plus de 4000 km des côtes françaises. Et personne ne doutait qu'il ne s'agit de l'aéroplane nouveau type dont le départ avait été signalé d'Étampes et le passage de Quimper dans la journée du 15. Pendant 2 jours, les journaux des deux continents ne parlèrent que des hardis aviateurs et de leurs appareils. En France surtout, l'émotion était énorme. On était fiers de ces audacieux qui, simplement, sans réclamer, sans bruit, avec mystère même, risquaient leur vie dans une entreprise sans précédent et qui, si elle aboutissait, allait faire faire à l'aviation un pas de géant. Aussi l'inquiétude fut-elle grande quand la journée du 18 se passa sans nouvelles de l'aéroplane qu'un journal avait nommé le premier transatlantique aérien. On avait calculé en effet que les aviateurs auraient dû aborder la côte américaine entre Boston et Newport dans la soirée du 18. On pensa qu'ils avaient voulu éviter d'atterrir dans l'obscurité et qu'ils avaient préféré passer la nuit sur la mer. Mais le silence se prolongea le 19 et le 20, l'inquiétude se transforma en consternation. On ne pouvait douter que cette tentative audacieuse n'ait abouti à une catastrophe. Le 18 et le 19, en effet, un grain suivi de bourrasques assez violentes avait régné sur l'Atlantique, et il fallait admettre qu'une avarie avait dû immobiliser l'appareil qui, obligé de se poser sur les flots, n'avait pu résister à la grosse mer malgré ses flotteurs et avait été détruit et submergé par la tempête avec ses passagers. Pourtant, malgré tout, quelques optimistes tenaces voulaient douter encore de l'échec d'une tentative si audacieuse. Ils disaient si française. Ils admettaient la possibilité de l'avarie, mais persistaient à croire que grâce à ses flotteurs, l'aéroplane s'était maintenue sur les flots et qu'il dérivait l'aventure dans les environs du 50 degré de longitude et à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Le 21 au matin, on apprenait que 3 contre-torpilleurs, filant 28 nœuds, étaient envoyés de Brest pour explorer l'océan et que 2 croiseurs américains à grande vitesse étaient partis de Long Island dans le même but. Les journaux français voulaient espérer quand même. La presse anglaise et le New York Herald se montraient plus pessimistes, mais rendaient néanmoins hommage au courage et à l'audace des 2 aviateurs français. Qu'il échoue ou qu'il réussisse, imprimait ce dernier journal, ce raid aérien n'en restera pas moins sensationnel et prouve qu'une fois de plus, la France a fait faire un pas immense à l'aviation puisque incontestablement plus de 4000 km ont été franchis sans ravitaillement par 2 aviateurs livrés à eux-mêmes au-dessus des immensités océaniques. Quel que soit le résultat de cette tentative, les Français ont le droit d'en être fiers. La presse allemande, elle, gardait un silence significatif. Toutefois, le 21, la Gazette de Cologne publiait un article qui produisit une impression détestable. « Une fois de plus, disait la Gazette, la jactance des Français reçoit une rude leçon. On connaît l'engouement ridicule de nos voisins pour l'aviation, dont ils espèrent tant pour la rectification du traité de Francfort. Pour prouver à la fois l'excellence de leur matériel et leur supériorité comme pilotes, les officiers français n'hésitent pas journellement à se faire casser la figure. Mieux vaudrait un peu moins de vanité et un peu plus d'organisation et de prudence. Aujourd'hui, 2 Français viennent encore de s'embarquer comme des étourneaux dans une aventure insensée. En secret, sans préparation, n'ayant même pas l'élémentaire prudence de se faire convoyer par un échelon de bateaux à marche rapide, ils ont tenté la traversée de l'Atlantique, soit 5 à 6 000 km à franchir au-dessus des immensités de l'océan et cela livré à leur propre force. Le résultat de cette imprudence et d'un pareil manque d'organisation, ce qui est un défaut bien français, c'est que nos voisins, après avoir exulté au début, sont maintenant dans la consternation. Depuis 2 jours, en effet, on est sans nouvelles des 2 imprudents. Il est certain qu'ils ont payé de leur vie leur témérité, et que l'épreuve où la science française devait bouleverser le monde finit dans un lamentable fiasco. Cet article provoqua une indignation générale, non seulement en France, mais en Europe et surtout en Angleterre. Nul doute que la lourde et mesquine méchanceté de l'organe germanique n'eût été relevée vertement par l'unanimité de la presse européenne si un événement sur lequel personne n'osait plus compter ne s'était chargé de la plus irréfutable et de la plus triomphale des réponses. En effet, dans la soirée du 22 janvier, une dépêche de Newport, Rhode Island, parvenait à New York et de là à Paris, provoquant partout une émotion qui confinait au délire. Cette dépêche disait « Un grand aéroplane portant le pavillon français et venant de l'océan est passé au-dessus de la baie du Cap Cod. Il vient de survoler, sans atterrir, New Bedford et Newport et semble se diriger sur New York en suivant la côte par New London et New Haven. Il ne peut s'agir évidemment que de l'aéroplane parti de France en vue de traverser l'Atlantique et qu'on avait considéré comme perdu. Son pavillon, ses ailes obliques et ses flotteurs, qu'on a aperçus distinctement, ne laissent aucun doute à cet égard. Sa vitesse est très grande et il tient l'air d'une façon splendide. »